l'air du passeport. Jamais on ne te verra sur les bancs de l'école, dans ton si beau pays privé de liberté. Les femmes n'ont pas ce droit, de peur qu'elles ne volent le savoir que les hommes ont à peine étudié. Ici, si tu es femme, tu dois baisser la tête. Tes droits sont bafoués, tu ne peux qu'obtempérer. Tu n'as pas de valeur, presque comme une bête de laquelle on dispose en toute impunité. Tu ne connaîtras jamais le plaisir du savoir. Alors ouvre les yeux avant qu'un grand voile noir ne vienne couvrir ton corps des pieds jusqu'à la tête. Toi qui n'auras jamais le droit d'être à la fête. Jamais on ne te verra étudier dans les livres, au moins apprendre à lire, écrire et puis compter. Tu es si courageuse et ton envie de vivre te fait presque oublier la peur et le danger. Car aux barbus qui veillent à leur suprématie s'arrogent en plein pouvoir sur ta vie de souffrance. Au nom d'une religion qui te tient en sursis, le savoir est un crime qui mène à la potence. Tu ne connaîtras jamais le plaisir du savoir. Alors ouvre les yeux avant qu'un grand voile noir ne vienne couvrir ton corps des pieds jusqu'à la tête. Toi qui n'auras jamais le droit d'être à la fête. Chienne, devant servir son maître, tu n'auras même pas le droit de pleurer sur ton sort. Tu n'imagineras pas ce que ta vie pourrait être si tu n'étais pas né chez les faiseurs de mort. Profite de cet instant où tu es une enfant pour regarder partout, pour remplir ta mémoire. Les chiens qui te gouvernent te mordront à pleines dents si tu refuses de faire suivant leur bon vouloir. Tu ne connaîtras jamais le plaisir du savoir. Alors ouvre les yeux avant qu'un grand voile noir ne vienne couvrir ton corps des pieds jusqu'à la tête. Toi qui n'auras jamais le droit d'être à la fête. Il faudra bien qu'un jour ton monde se transforme, que plus personne ne puisse te faire baisser la tête, qu'un vent de liberté comme une vague énorme balaye les vieilles coutumes de ces analphabètes. Et merde si Dieu existe, qu'il use de son pouvoir. Les filles de ton pays valent autant que les hommes. Elles ont même plus de force, car il suffit de voir